إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous allons inshallah maintenant poursuivre les explications des 40 hadith de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Donc comme je vous avais dit, c'est qu'on fera, inshallah, on fera le hadith numéro... Parce qu'on a déjà vu le hadith numéro 1 et le hadith numéro 5, parce qu'ils étaient, liés. Le hadith 1 et le hadith 5, yani les explications, comme on avait vu, d'accord, à se compléter. Donc là, on va enchaîner, inshallah, sur le hadith numéro 2. Puis on fera, inshallah, le hadith numéro 3 et le hadith numéro 4. On fait donc, comme ça, on aura vu les 5 premiers hadiths. Ensuite, on fera un autre sujet. Et je pense, Inch'Allah, qu'on fera... Alaykoum salam wa rahmatullah. On fera après, donc, la première partie des 5 hadiths. On fera le fiqh sur les ablutions, Inch'Allah. Ensuite, on reprendra le 6, 7, 8, 9 et 10. Et les 5 autres hadiths. Et ensuite, on fera sur la description de la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur les conditions de la salat, les piliers de la salat, yani ça dans le détail, ça va nous prendre un peu de temps, inshallah. Comme ça, on aura vu les ablutions, description de la salat, inshallah. À chaque fois, yani, on fait des parties 5-5 et on fait une masala de fiqh, inshallah. D'accord ? Bismillah. Donc, le hadith... Le deuxième hadith. Le hadith الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. Donc, d'après Omar ibn al-Khattab, un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam ». حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أو محمد يا محمد أخبرني عن الإسلام donc informe-moi sur l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. Donc il lui dit ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration. Donc il faut rajouter ici, hein, dans la traduction que vous avez, en toute vérité, voilà. Je suis constamment hérissé quand je vois des traductions parce que ça me des choses qui rentrent dans les parce que les gens ils ont pris ça par habitude, ils traduisent parce que c'est plus simple, je sais pas quoi, mais il faut être précis parce que faut qu'on se rappelle que c'est une traduction du sens qu'on donne. Donc si on fait une traduction du sens, on se doit donner de le sens de la ilaha illallah, c'est quoi? Parce que si tu fais du littéral, alors tu dis comme les autres ils disent, il n'y a de Dieu que Dieu. En toute vérité, excepté Allah. Donc tu dis, tu rajoutes ici, je vais te le rajouter, la referme ici. L'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en toute vérité. Aïe, Mohamed, vas-y. Donc, en toute vérité, barakallahu fik. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important, en toute vérité? Parce qu'il y en a qui croient à la création d'Allah et... Non. Comme le dars sur les Quraysh. Ouais. Qui savent qu'il y a un Dieu. Oui, mais pour être plus précis. Pourquoi en toute vérité? Pourquoi à chaque fois je dis... Mais là, ils adorent autre chose que Allah en même temps que Dieu. D'accord, mais elles sont adorées comment, celles-là? Avec vérité? Non. Avec fausseté. Avec fausseté. C'est pour ça. Parce que d'autres choses sont adorées. Mais elles sont pas adorées, yani avec vérité, elles sont adorées avec fausseté. D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que il faut bien insister sur le fait que c'est en toute vérité qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en toute vérité qu'Allah. Parce que d'autres choses sont adorées, mais elles sont adorées avec fausseté. Tu vois. Et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière rituelle. Donc l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en toute vérité qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière rituelle, verse la zakat et jeûne le mois de Ramadan, et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. Qala sadaqt, il lui répondit, son interlocuteur lui répondit, tu as dit vrai. D'accord. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Donc, et nous, de nous étonner que, alors lui, il lui pose la question, et une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il lui dit, tu as été véridique, tu vois, ça veut dire il l'a approuvé. Donc, alaykoum salam wa rahmatullah. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Il lui dit alors, informe-moi sur la foi, l'Iman. قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ. Donc il lui dit, informe-moi sur la foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, la foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier, et tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. D'accord? Tu dois y croire, parce que tu sais que tout ne provient que d'Allah. Qu'il soit bon ou mauvais le destin, tu dois y croire. Parce que, voilà, tout ne provient que d'Allah Azzawajal. Il n'arrivera que ce qu'Allah Azzawajal a décrété. Que ce soit en bien, voilà, que ce soit en mal. À nous deux, de patienter. Et si c'est un mal, eh bien, on espère par cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a évité quelque chose de mauvais. Ou nous a préservé de quelque chose de mauvais. Ou bien c'est une purification. D'accord? Ou bien c'est pour élever en degré le croyant. Donc, yani, la sagesse d'Allah Azza wa Jalla, personne ne peut la cerner. Yani, Allah Azza wa Jalla sait tout. Et nous, on ne sait pas. D'accord? Donc, c'est pour ça la croyance ferme du destin bon ou mauvais, qu'il te soit favorable ou défavorable. Qala sadaqt, donc l'homme lui dit encore, tu as dit vrai. Et il reprit, qala fa'akhbirni 'an al-ihsan. Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Il reprit, informe-moi sur la bienfaisance, l'ihsan. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, l'ihsan, la bienfaisance, consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Qala fa akhbirni 'an as-sa'a. Il lui dit, informe-moi sur l'heure. Yani du jugement dernier. Yani. De la fin des temps. Ils ont mis entre parenthèses le jugement dernier. Donc, فَأَخْبَرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْؤُولَ عَنْهَا بِأَعْلَمِي مِنَ السَّائِلِ. Il lui répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. D'accord. قَالَ فَأَخْبَرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا. Il lui dit donc, là-dessus, l'homme lui dit, mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Wa antara al-hufat al-urat al-ala ri'a al-shay yatatawaluna fil bunyan. Lorsque tu verras les vains nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions des bâtisses de plus en plus hautes. D'accord. Qala thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Là-dessus l'homme partit, je demeurai là un moment, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vais vérifier comment ils ont traduit ici le truc. C'est Jibril qui le rapporte ce hadith là ou... Ça c'est Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. C'est dans le hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih. D'accord. C'est Omar en fait qui atteste de la conversation pour pouvoir s'enseigner Jibril. Non, parce qu'ils étaient là avec des Sahaba. Mais qui est-ce qui cite, qui fait la citation du hadith? Est-ce que c'est Rasulullah s'enseigne ou c'est Jibril? Au moment où Omar est atteste justement du... Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une discussion entre Jibril, mais il ne savait pas que c'est Jibril, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn Khattab radhiyallahu lui rapporte donc la discussion qu'il y a eu entre eux. Tu vois? Et alors, parce que moi je voulais voir ici. Ah d'accord, ok. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son envoyé, non, répondis-je, Allah et son envoyé sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cet homme était l'ange Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. D'accord, ça c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. D'ailleurs, ça faut que je le note, là, faut que j'achète d'autres hadiths que je les rapporte, Inch'Allah, pour qu'il y ait un suivi. Donc, là, dans ce hadith-là, barakallahu fikum. Comme d'habitude, je prends plusieurs explications des savants, parce que yani y a du, tu vois, yani elle se complète. Donc, on va commencer, inshallah, avec le Cheikh Mohammed Al-Jami, rahimahullah, puis une partie du Cheikh Salah Al-Fawzan, puis le Cheikh Mohammed bin Salah Al-Uthaymin. Parce qu'il y a des choses très... Il y a des fawaid. D'accord. Mais tout d'abord, ce que dit Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, هذا الحديث عظيم بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وبيّن فيه الإحسان وبيّن فيه شيئا من علامات الساعة وهذا الحديث بيّن الدين كله وأن الدين مراتب. Donc il dit le Cheikh Salah Fawzan, il dit ce hadith est un immense hadith, très important. Dans cela, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ce qu'étaient les piliers de l'islam, les piliers de la foi, et a clarifié ce qu'était l'ihsan, ce qu'ils ont traduit ici par la bienfaisance. Et il a clarifié également sur quelques signes, d'accord, de l'heure. Et ce hadith-là clarifie toute la religion. Et que la religion a des niveaux. Et les gens ne sont pas au même niveau dans la religion. Les gens ne sont pas au même niveau dans la religion. Je scroll NS là parce qu'il aime bien crier tout le temps. Allah musta'an. فمنهم المسلم ثم المؤمن ثم المحسن وهذه مراتب بعضها فوق بعض وبعضها أوسع من بعض إلا أنه لابد من أحد هذه المراتب حسب الاستطاعة. Donc il dit, le Cheikh Salih Fawzan, Hafidhullah, il dit, il y a donc les musulmans ne sont pas au même niveau là, entre, d'accord, l'islam, l'iman ou l'ihsan, d'accord. Il dit, il y a donc le musulman, il y a le mu'min, le croyant, le muhsin, le bienfaisant, d'accord. Et il dit, et ces niveaux-là, donc, sont l'une au-dessus des autres, d'accord, et sont plus larges les unes comparées aux autres, d'accord. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le musulman, donc, ils ne sont pas au même niveau, et donc, chacun est selon son niveau. Là, le Cheikh Mohammed Amin Jami rahimahullah dit: هكذا تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا التعليم الشامل الذي اشتمل على جميع درجات الدين الإسلامي. Donc c'est comme cela que Allah Azza wa Jal donc a montré donc à ses serviteurs donc l'enseignement qui est général et qui regroupe tous les niveaux de la religion de l'islam. هذا الحديث مجتمل على درجات الدين الإسلامي. Ce hadith-là, eh bien, mentionne donc les niveaux dans la religion de l'islam. درجات الدين ثلاثة. Il y a trois niveaux dans la religion. Trois niveaux dans la religion. Islam, وهي أوسع الدرجات. L'islam qui est le plus large des niveaux. D'accord. إيمان تلي الدرجة الأولى. Donc puis la foi qui suit le premier niveau. ثم إحسان أضيق الدرجات. Puis la bienfaisance qui là est le plus étroit des niveaux. Et donc l'Ihsan c'est le plus étroit des niveaux. Le plus large des niveaux c'est l'islam, puis iman, puis Ihsan. Tout ça, c'est un travail, ça, après. Ça, c'est un travail à long terme. Al-Musta'an, qu'Allah nous facilite. Et c'est ce que va expliquer le Cheikh Mohammed Amin Jami, rahimahullah. C'est pour ça que là, on comprend déjà bien le premier point, c'est quoi? Le plus large des niveaux, c'est l'islam. Puis, le niveau qui le suit, c'est l'iman. Puis, le niveau le plus étroit, c'est l'ihsan. En fait, c'est du plus facile au plus dur. Quand tu pars comme ça, du plus large au plus... Si on veut, c'est comme si que tu fais une pyramide. Voilà, ça va en pyramide, d'accord, niveau. La base, elle est plus large. Ça peut inclure énormément, d'accord, de monde. Mais tandis que le niveau de Ihsan, c'est un niveau qui est étroit, qui n'inclut pas beaucoup de monde. D'accord. هذا هو الدين كله إسلام وإيمان وإحسان. Ceci est la religion dans sa totalité, qui est l'islam, la foi et la bienfaisance. يقول عمر رضي الله عنه, عمر رضي الله عنه dit, إن هذا الرجل الذي هذه صفاته سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. Donc cet homme-là qui a donc ces attributs-là a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم sur l'islam. ولما اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأعمال الجوارح وأعمال اللسان. Donc là il dit, lorsque dans ce hadith là c'est mentionné l'islam et la foi dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a spécifié, d'accord, que l'islam c'est les œuvres, les actions des membres. Premier point, les actions des membres. Donc lorsque l'islam et la foi ici sont mentionnés ensemble dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc a spécifié que l'islam ce sont les actions, les œuvres des membres et les œuvres de la langue. D'accord ? Les œuvres des membres et les œuvres de la langue. An tashhad an la ilaha illallah, que tu témoignes que de la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Alors, c'est pour ça qu'il dit an tatalaffaz bi hadhihi al-kalima, que tu prononces cette parole-là, arifan li ma'naha, que tu, tout en sachant, en connaissant son sens. C'est pas juste tu le dis, tu sais pas ce que ça veut dire. D'accord ? Tu dois donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu dis que tu témoignes que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, tu témoignes de la ilaha illallah. Celui qui témoigne de la ilaha illallah, il doit la prononcer en connaissant son sens. Amilan bi muqtadaha, laysa mujarrad talaffuz. Donc tu dois la prononcer en connaissant son sens, sachant ce que ça veut dire, et tu sais que ce que ça implique et ses conditions et ce qui peut l'annuler. D'accord ? Ce n'est pas juste une prononciation pour prononcer. Donc ça, c'est l'erreur que font certaines personnes. Il y a quelqu'un qui vient pour se convertir, ils ne lui disent pas ça veut dire quoi la ilaha illallah. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas ça veut dire quoi la ilaha illallah. Donc comment veux-tu qu'ils le disent ? Ils disent non, tu dis la ilaha illallah, c'est bon. Il doit comprendre ce que ça veut dire. Parce que le témoignage, c'est quoi ? C'est qu'il a compris, la vérité, c'est quoi ? Ah, il a compris que l'adoration ne doit être vouée exclusivement qu'à Allah. Il a. Non. Personne, on avait défini comme quoi, l'autre fois, c'est pas la quintessence, c'est. La bienfaisance. Donc ça fait. Islam, Iman, Ihsan. Si on peut donner une image, ça fait un peu l'effet pyramidal. La base, elle est large, l'islam. Ça commence à se restreindre, la foi. Et puis, ad-diq, ad-darajat, la plus restreinte. Le plus restreint des niveaux, c'est le ihsan, la bienfaisance. En entonnoir, en fait, ou en entonnoir, par exemple, d'accord ? Il y en a beaucoup qui disent, la généralité, quand on est dans l'ignorance, c'est comme ça qu'on nous apprenait. Oui, le poids d'un atome de la ilaha illallah ira au paradis. C'est-à-dire que maintenant, les gens, rien qu'avec cette parole-là, ils se disent, bon, bah, j'ai la ilaha illallah, c'est bon, moi, je peux pas... Oui, mais ça, c'est... Ces gens-là, ils en prennent la responsabilité devant Allah, Azza wa Jal. C'est vrai, hein. Et ces gens qui interdisent... Ces gens qui interdisent que les gens soient éduqués. Subhanallah, il y a des mosquées, elles sont blindées, remplies. J'en avais vu, subhanallah, sur Poissy. Les gens, yani les mosquées sont remplies, les gens, aqida fesda. Aqida qui est corrompue. Je parlais avec un frère là-bas, je le conseillais à faire une sunna. Il me sort, mais l'islam regroupe les trois religions. Et puis la mosquée de Médine, avant c'était une église, je ne sais pas quoi. L'individu qui parle sans science, a'oudou billah, alors que la mosquée de Médine a été construite par Othman ibn Affan. Et il a été tué à cause de ça, parce qu'il l'a construite avec des pierres, subhanallah. Et il va te dire que ça regroupe les trois religions, etc. Donc, a'oudou billah. Donc vous voyez, des gens, ils viennent prier comme ça, et ils croient que l'islam découle de la chrétienté. A'oudou billah. C'est comme les sikhs, qui croient que yani, leur religion découle de l'islam, et donc ils ont des choses de l'islam, etc. A'oudou billah. Donc tous ces gens-là, Eric, qui disent ça aux gens, que tu dois juste prononcer, etc. Puis l'essentiel, celui qui a un poids d'anatome, l'essentiel, c'est gentil, tu ne voles pas, t'es gentil, subhanallah. Yani, c'est bon, tu vas au paradis. Ces gens-là, ils en prennent la responsabilité devant Allah, Azza wa Jal. Celui qui a l'agonie, alors la plupart, c'est, je le vois souvent, et au moment de l'agonie, dis-le, oui, il faut le... Ni quoi que ce soit, tu iras au paradis. Ouais, mais celui qui faisait pas la prière, qui est arrivé dans. l'Einstein. C'est pour ça. C'est... Subhanallah. Eh oui, parce que tu peux dire aux gens dis la ilaha illallah au moment de la mort. Tu peux leur dire dis la ilaha illallah. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois? Inna Allah yuthabbitu alladhina amanu bil qawl athabit fi al-hayat ad-dunya wal akhirah. Allah raffermit la parole de ceux qui ont cru dans ce bas monde et dans l'au-delà. Toi, tu as vécu dans l'islam. Tu as fait tout pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Tu as reconnu tes manquements. Tu revenais vers Allah Azza wa Jal repentant. Tu espères, tu demandes à Allah Azza wa Jal d'avoir une bonne fin. Tu vois, yani, c'est totalement différent de celui qui a passé sa vie dans les casinos et dans les fêtes et dans le haram et qui a refusé de ne serait-ce faire une prosternation pour Allah Azza wa Jal. Et puis il croit qu'à la fin il va dire la ilaha illallah, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné. Moi je vais vous donner une autre anecdote, ça s'est passé en Arabie Saoudite. Un des cheikhs qui était venu nous donner une conférence là-bas là, au Royaume-Uni, ils nous avaient dit, ils étaient donc au chevet de. Enfin, il y avait quelqu'un qui était en train d'agoniser pour mourir et tout ça. Ils sont venus le voir, ils nous ont dit vas-y, viens le voir et tout ça là, il est en train. Il avait dit bon, il ne le connaissait pas personnellement, il est parti le voir. Et subhanallah, il l'a reconnu. Il lui disait, donc il lui a dit quand même, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il disait? Il lui disait, dis la ilaha illallah. Et il restait à dire, faites attention à ma famille, mes enfants, faites attention à ma famille, mes enfants. Il est resté sur, faites attention à ma famille et mes enfants. Il est mort sur cela. Il lui disait, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Il a refusé. Et le cheikh nous avait dit que celui-là, je l'avais reconnu à chaque fois que. Il passait, parce que tu sais, là-bas, il ferme les. Yani, il descend le rideau pour aller prier, là. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il restait à l'intérieur de sa boutique et il refusait d'aller prier. Dire la ilaha illallah, c'est pas style, ouais, je le dis la ilaha illallah. Au niveau de la mort, c'est Allah Azza wa Jal qui raffermit ceux qui ont la foi. Hein. Et Allah est le plus savant, il sait le cas de chacun. Au niveau de la mort, d'accord. Moi, ce que je veux dire, par exemple, avec la prière, c'est que, comme je t'avais dit, dans cette mosquée-là, des gens font la prière 5 fois par jour. Tu les vois 5 fois par jour. Mais ils ont une croyance qui est corrompue. Ils croient que l'islam découle de la chrétienté. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mouchkla, tu pries. Yani, on comprend bien. Yani, c'est pas être un savant du fiqh ou connaître le fiqh. Et puis les gens... Yani, tu trouves une mosquée bondée lorsque tu commences à parler de fiqh sur la salette, voilà, tu vois. Et puis tu viens de parler d'aqid et il n'y a plus personne. Subhanallah. Les gens ont inversé les choses. Ils croient que lorsque il fait ses salettes, c'est bon. Non, c'est pas encore bon. Les munafiqines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient la salette. Mais ça ne les a pas empêchés d'être au plus bas niveau de l'enfer. Et ils restaient éternellement. Oui. Donc, parce qu'un individu qui prie. Et que lui, il croit que les juifs et les chrétiens sont des croyants, c'est pas des kofars, c'est un annulatif de l'islam, c'est pas un musulman celui-là. Même s'il prie 5 fois par jour. Vous voyez, c'est pas un tas. Et puis, tout est basé dans la aqida. Si ta aqida elle est bonne, les œuvres sont acceptées, bi'idhnillah. Ouais, c'est important. Ouais. C'est ça. Mais ta aqida elle est corrompue, tu fais du shirk ou tu crois que les kofars c'est pas des kofars. Eh bien, subhanallah, yani, qu'est-ce que tu veux? Yani, tout est conditionné par cela. Vous voyez? Donc, il a dit quoi le Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah? An tashhada la ilaha illallah. An tatalafad bihadihi al-kalima arifan limanaha, amilan bimuqtadaha, laysa mujarrad talafud. C'est pas juste que tu prononces la ilaha illallah parce qu'il faut prononcer. D'accord? Mais tu dois connaître son sens, connaître ce qu'elle implique, et tu dois agir sur son sens. Connaître ce qui l'oppose et ses conditions. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في بعض الروايات زيادة أن تعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. Donc il dit que tu dois témoigner que Mohammed صلى الله عليه وسلم est l'envoyé d'Allah, et que tu fasses la prière, et que tu donnes la zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a capacités. Et dans certaines narrations, il y a un ajout dans la narration, et que tu fasses la Umra, et que tu te laves de la janaba, de la grande impureté, et que tu fasses et que tu parfais les ablutions. D'accord ? Ça c'est dans une autre voie. Dalla hadha al-hadith ala anna al-a'mal a'mal al-jawarih wa qawl al-lisan. Ce hadith prouve que les œuvres, ce sont les œuvres, ce hadith prouve que les œuvres, ce sont les œuvres des membres et la parole avec la langue. D'accord ? Yuqal laha al-islam. On dit que ça c'est l'islam. Prononciation avec la langue et les œuvres avec les membres. D'accord ? L'islam, huwa l'istislam ou l'inqiyad. L'islam, c'est donc la soumission et la sujétion à l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. D'accord ? Wa in yunqad al-abd li awamir rabbihi amran wa nahyan qawlan wa fa'lan. هكذا فسر بما سيأتي من ذكر الإيمان. Donc là il dit, le Cheikh Mohammed Amel Jami rahimahullah, il dit que l'islam c'est la soumission, c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans ce que dit Cheikh Sarah Fawzen, la soumission et la sujétion à ce que implique la ilaha illallah. D'accord. Et que l'individu se tient aux ordres de son Seigneur en obéissant à ses ordres et en s'écartant de ses interdits avec la parole et avec les actions. D'accord. Donc c'est comme ça qu'a été expliqué sur ce qui va suivre, notamment la foi. Donc là, sur ce point-là, la faute de Shahadatayn, ensuite on va revenir ici sur ce point-là. D'accord. Donc là, il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, Habibullah. Donc ça a été clair là, pour la partie du... Donc, dans l'explication de ce hadith-là, il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, قوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم من عاداتهم أنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويسترشدون منه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم. وفي جلسة من جلساتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم رجل في سورة عجيبة لم يكونوا يألفونها، كما قال: إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Donc il dit, la parole dans le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il dit, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Cheikh, les sahaba, qu'Allah soit satisfait de tous, avaient pour habitude de s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient pour habitude de s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre leur religion et puis demander des orientations de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils le questionnaient sur des choses de la religion et sur des choses du bas monde. D'accord. Et dans une de ces assises-là, eh bien, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entra un homme donc avec une image assez surprenante. Il n'était pas habitué à voir, donc il n'était pas habitué donc à voir ce genre d'individu comme cela. Donc, comme il a dit, donc se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante. D'accord. et aux cheveux très noirs. Il n'y avait pas de marque de voyage sur son... Non, on ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. La ya'rifuhu minna ahadun. Fahada min al-ajaib. Ceci est donc d'une des choses surprenantes. Liannahu law kana min ahli al-balad la'arafuhu, parce que s'il faisait partie des gens du pays ou bien de l'endroit où est-ce qu'ils sont, eh bien ils l'auraient connu. Fadalla ala annahu min kharij al-balad. Donc ceci prouve que c'est quelqu'un qui est en dehors du pays là, d'où est-ce qu'ils sont, de l'endroit d'où est-ce qu'ils sont. Walakin laysa alayhi atharu safar. Cependant, sachant qu'il est en dehors du pays, mais il n'a aucune trace de voyage sur lui. Donc sachant qu'il vient de l'extérieur, normalement s'il vient d'un endroit extérieur de l'endroit où est-ce qu'ils sont parce qu'ils ne le connaissent pas, alors il devrait avoir des traces de voyage pour arriver jusqu'ici. Mais il n'en a pas. لأن العادة أن المسافر يكون شعثاً أشعاث أغبر. C'est-à-dire que, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est que le voyageur, eh bien, il a sur lui des traces de poussière, des traces de... D'accord? Des signes de voyage. Voilà, c'est pas là, tu montes là, TGV ou avion, d'accord? Donc c'était des messefs qui font des longs trajets qu'ils faisaient. À pied, ou que ce soit même sur le chameau. Bien, d'accord. On se rappelle de celui qui est venu voir l'imam Malik, rahimallah, et 6 mois de voyage. D'accord. Comme si on pouvait comparer de janvier à juin, pour poser une question. Donc, ça, c'est l'aller, ça. Ça, c'est l'aller, Barak. Ça veut dire qu'il revient qu'au bout d'un an. Donc, il dit, « لِأَنَّ السَّفَرْ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِنسَانِ لَا يَعْتَنِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِجِسْمِهِ فَهَذَا الرَّجُلْ ليس غريبا وليس مواتنا. Donc il dit, parce que donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, c'est parce que en fait tout ce que induit en fait le voyage, si tu fais un voyage normalement, eh bien il y a des traces qui se voient sur toi, soit tu as de la poussière, soit tu as de, d'accord. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est quoi? C'est que la blancheur de ses habits, comment que c'est et tout cela, c'est que là il est ni un citoyen de l'endroit ni quelqu'un d'étranger, on peut pas savoir. D'accord, ni un voyageur, ni un citoyen. D'accord. لأنه لا يظهر عليه علامات السفر. Parce que sur lui, les signes du voyage n'apparaissent pas. وليس مواتنا. Et il n'est pas non plus quelqu'un de la nation où est-ce qu'ils sont actuellement. لأنهم لا يعرفونه. Parce qu'ils ne le connaissent pas. D'accord. ولو كان في البلد لعرفوه. Mais s'il était dans le pays là, eh bien, il l'aurait connu. وتبين في الأخير أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام. Et à la fin, il s'avérait que cet homme-là, en fait, il s'avérait que c'était Jibril. Donc Jibril sous la forme d'un homme. D'accord. أتى بهذه السورة. Il est venu avec cette image-là. Il est venu avec cette image-là d'homme. D'accord. Donc il dit, eh bien, il s'avérait en fait à la fin que cet homme-là, c'était Jibril alayhi salam, ata bihadhihi sura, qui est venu avec cette image-là. Wa kana Jibril alayhi salam ya'ti ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil ghalib fi surat rajul. En général, l'ange Jibril alayhi salam, en général venait sous la forme, sous l'image d'un homme. D'accord? Lianna bani Adam la yastati'una ru'yat al-malik. Parce que les enfants d'Adam, les fils d'Adam ne peuvent pas voir l'ange. Ne peuvent pas voir l'ange. D'accord? Donc, لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية. Parce que donc les fils d'Adam, les enfants d'Adam, ne peuvent pas voir les anges sous leur forme, yani d'ange. D'accord? Sous leur forme d'ange, ils ne peuvent pas les voir, les fils d'Adam. D'accord? Mais là, sachant que les Sahaba l'ont vu, il était sous la forme d'un homme. فكان يأتي في صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه. Donc il venait là sous la forme d'un homme pour que les gens ne se mettent pas à fuir en ayant peur de voir une chose qu'ils ne connaissent pas. D'accord. وَلَا يَسْتَوْحِشُ مِنْهُ. Et donc, ils ne se mettent pas à avoir, yani, et qu'ils ne se mettent ni à, yani, à fuir de lui, ou bien à le voir comme une chose, yani, détestable. هَذَا هُوَ الْغَالِبُ. Donc, ce qui était en général, c'est qu'il venait sous la forme d'un homme, sous l'image d'un homme. D'accord ? لِأَنَّ الْمَلَائِكَ لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول الموت أو العذاب. Il dit le Cheikh, hafidhahullah, parce que les anges n'apparaissent pas pour les fils d'Adam sous leur image véridique. D'accord? Seulement à deux cas. Seulement lors de la mort. D'accord? Lors de la mort. Ou bien lors du châtiment. Ils arrivent sous l'apparence, sous leur vraie apparence, lors de la mort ou lors du châtiment. فَإِذَا نَزَلَ الْمَوْتُ أَوَ الْعَذَابُ وَلِعْيَاذُ بِاللَّهِ ظَهَرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى سُورَتِهَا. S'il y a un châtiment ou s'il y a la mort, d'accord, qu'Allah nous en préserve, alors les anges apparaissent sous leur vraie image, c'est leur vraie image. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. D'accord. Sourate Al-Furqan, verset 22. Le jour où ils verront les gens, les anges, pas de bonne annonce aujourd'hui aux criminels. Donc les malaïka, tu ne les vois qu'à deux instants, soit à la mort ou soit au azab. C'est pour ça, hein, parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Furqan que lorsqu'ils verront les anges, donc si les anges apparaissent sous leur vraie image, alors là, c'est qu'il y a un châtiment. D'accord ? Ou alors, c'est la mort. Naam. Alors, et quand tu parles de l'ange de la mort qui vient pour les criminels, et l'ange de la mort qui vient pour les croyants, bien sûr, ils sont de formes différentes. Enfin, non, c'est, non. C'est le même. L'ange de la mort, c'est l'ange de la mort. Mais d'accord. C'est juste celui qui... Non, c'est-à-dire que c'est la façon comment l'homme est retiré. Le croyant, elle est retirée d'une facilité, Yarni, simple. D'accord. Alors que l'homme, l'ange de la mort, lorsqu'il retire l'âme du kafir, déjà l'âme, elle fuit partout dans le corps. Et ensuite, il l'arrache comme si il l'arrachait des entrailles, d'accord. Donc elle est plus rude pour les kofars, comment que c'est arraché. Et un autre point, Yarni, c'est une erreur de penser que ce qu'on dit souvent, Fulbled, ils disent Azraïl pour l'ange de la mort. Ça, il n'y a pas de riwaya authentique sur ça, d'accord ? Non. L'ange de la mort, c'est Malak al-Maut, il ne s'appelle pas Azraïl, d'accord ? Il n'y a aucune preuve sur le fait qu'il s'appelle Azraïl. Non, il n'y a aucune preuve sur cela, d'accord ? Il n'y a pas de délil sur ça, que Azraïl, c'est l'ange de la mort, non. C'est vrai qu'il est souvent ce nom-là. On dit l'ange de la mort, on dit Malak al-Maut, on ne l'appelle pas Azraïl. Si quelqu'un veut l'appeler, qu'il ramène sa preuve. D'accord ? Barakallahu fikoum. Amma idha ja'u fi halat al-amn fa innahum ya'tun bi suratin ma'lufatin lin-nas. Wallahu aqdarahum 'ala at-tasawwur bi suwarin mukhtalifa. Et donc il dit lorsqu'il y a un châtiment pour la mort, ils viennent les anges sous leur forme réelle. D'accord ? Mais lorsqu'ils viennent, yani, en dehors de cela, en sécurité, eh bien, ils viennent donc sous une image. Et Allah Azza wa Jal leur a donné la possibilité d'avoir différentes images. D'accord ? وَلَمْ يَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جِبْرِيلْ فِي سُورَتِهِ الْمَلَكِيَّ إِلَّا مَرَّتَيْنِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril dans sa vraie forme qu'à deux occasions. D'accord ? Donc en général, le Cheikh Sarfazan, il disait qu'il vient sous une forme, quelle heure il est là ? Ça va être là, on va s'arrêter. Donc il vient en général sous une forme d'homme. D'accord ? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a vu que sous sa vraie forme qu'à deux reprises. Al-maratul ula fi batha'i Mecca حينما اشتد به الكرب من آذى قومه رأى جبريل في الأفق على صورته الملكية جاء يطمئنه ويصبره على ما يلقى. Donc, le premier cas, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand est-ce qu'il a vu Jibril? Donc lorsqu'il l'a vu en fait dans les plaines de la Mecque, lorsque les difficultés en fait ont été immenses, donc face à son peuple, il a vu donc Jibril à l'horizon sous sa forme d'ange, venant donc le réconforter et le faire patienter. المرة الثانية رأى جبريل في سورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سورة النجم verset 13. Donc la deuxième fois, donc il a vu Jibril donc dans son image d'ange la nuit de l'ascension, d'accord, au niveau de سدرة المنتهى. Donc là c'est où est-ce que là après Jibril ne pouvait plus passer. Allah Azza wa Jal dit, il l'a vu une autre fois lors de, au niveau de Sidrat al-Muntaha, cet endroit-là où est-ce que Jibril ne pouvait pas dépasser. Amma fi baqiyat al-ahwal, fa kana ya'ti ila al-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi surati rajulin min ahsan al-rijal. Donc, mais les autres fois, il venait donc sous l'image d'un homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, sous une forme d'homme, des meilleurs des hommes. Et on va continuer la suite de l'explication du hadith, inshallah, donc la semaine prochaine, bi-idhnillah. Donc, inshallah, on va s'arrêter sur ce point-là, inshallah. Et on va recommencer la semaine prochaine à partir de Qawluhu Shadid Bayad al-Thiyab. Donc là, le shir, ce qu'il fait, Salah al-Fawzan, Havidullah, là, il fait juste, il explique la description de Omar, de l'ange. D'accord ? Ensuite va arriver donc, le détail sur les cinq piliers de l'islam, inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.